92 63 03 30, l'état civil 06 92 86 03 49. Bonjour Ingrid. Bonjour Isabelle. Ça va bien? Autant de tout fait, mais bon. B.A.O.T. reprend à où ma fille? Oui, j'ai volé de travers. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça va mieux. Bon, sinon, si gagne causé, c'est quoi le programme jusqu'à 14h? Jusqu'à 14h, eh bien, aujourd'hui, vendredi, passé dans l'actu, Philippe Dornier n'est pas là. Donc, on parlera de traitement des déchets avec Sophie Persson. Quand la fille nous jette toute poubelle, conseil devient. Bah, c'est ça, me connaît pas. Ah, bah voilà, bah, tout à l'heure, après le journal de midi, eh bien, Sophie Persson nous. Persson. Sophie Persson nous dira tout sur le traitement des déchets. Voilà. Allez, besoin d'un petit café ou quoi? Non, c'est bon, bah, allez boire un petit peu de l'eau. Bon, ben, peut-être un petit Prince, faut remettre au droit alors. Ouh, c'est bon ça, non? Yes! Yeah! Bon week-end bon à week-end. Tous sur la première. C'était Prince sur la première. Bon appétit si vous êtes à table. Il est midi. Et le journal de la rédaction vous est présenté par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Au menu de cette édition, une opération de sensibilisation et de prévention santé est organisée pendant 2 jours à destination des Gramounes de Mafate. Nous serons en direct de Mafate dans un instant. Les profs de l'éducation nationale en CDD, c'est une proposition de Nathalie Kosciusko-Morisset, candidate aux primaires de la droite et du centre. Nous entendrons la réaction de Fabienne Coipel-Sorès, sa référente à La Réunion. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la polémique autour de la succession de Sudel Fuma à l'Université de La Réunion, avec la contre-attaque de l'enseignante nantaise dont la nomination est actuellement suspendue et elle n'est pas tendre avec les associations qui défendent la nomination d'un réunionnais. Nous évoquerons également la polémique sur la finale de la Coupe régionale de France de football avec le président de la Ligue régionale, Noël Vidotte. Bienvenue sur Réunion Première. On part tout de suite à Mafate et plus précisément à Ilette à Malheur où une opération de sensibilisation à la santé à destination des Gramounes se déroule jusqu'à demain. Des collectivités, des associations et des partenaires privés ont décidé d'organiser cette action dans le cirque afin de toucher un public éloigné des structures. C'est une importante caravane composée notamment d'un diététicien, de médecin, d'un psychologue, de pharmacien ou encore d'infirmier qui prend ses quartiers à Mafate pour mener cette opération jusqu'à demain. Nous sommes en ligne avec Mona Coman, Ailetta Malheur. Mona Coman, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la société Pour être bien chez soi, qui fait partie des partenaires de la manifestation. Quel en est l'objectif? L'objectif, c'était de pouvoir aller vers, d'associer un certain nombre d'expertises, donc de professionnels de santé, du médico-social et du social également, avec un certain nombre de partenaires comme les institutions, comme le département, comme le CHU, comme l'hôpital Gabriel Martin, comme pas mal d'associations, ALMA, l'ORIAPA, la SCOPAD, des diététiciens. Donc c'est une adhésion de plusieurs professionnels qui habituellement et tous les jours travaillent au chevet du patient. Et donc cette idée était d'apporter cette expertise sur un site magnifique, donc inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est à Malheurs, mais en même temps un site enclavé où également pas mal de personnes âgées habitent et qui ont également les mêmes besoins que ceux qui sont sur le littoral. Et combien de personnes allez-vous rencontrer durant ces deux jours ? Très bien. En fait, il y a 40 personnes âgées de l'ensemble des îlettes de Mafate qui se sont regroupées grâce à l'aide de l'association Mafate Ensemble, et également 40 autres personnes âgées de l'association Les Violettes de Dodane. Donc les 40 personnes âgées de Dodane sont arrivées ce matin en hélicoptère. C'est une rencontre prévue à l'origine entre deux associations, deux présidents d'associations, Marie-Thérèse Boyer et Gérald Bulin, qui ont décidé depuis un an en fait de se retrouver, une rencontre intergénérationnelle de famille, puisque beaucoup de Mafatais sont sortis de Mafate pour habiter à Dodane. Donc à l'origine, c'était cette rencontre qui avait été fixée le 14 et le 15 octobre. Et nous avons tout simplement, avec la commune de la Possession de Saint-Paul et le département, donc à l'origine les co-organisateurs, qui avons initié cette demande en demandant à ces associations si on pouvait s'associer et additionner un petit peu nos compétences professionnelles habituellement demandées au chevet des patients âgés. Merci Mona Coman. Je rappelle que vous étiez en direct d'Ilette à Malheurs, où une opération de sensibilisation à la santé à destination des Gramounes a lieu jusqu'à demain. En bref, dans l'ouest, sur les plages de Boucan-Canotte et des Roches Noires, la baignade est toujours interdite ce vendredi car les filets anti-requins ne sont toujours pas opérationnels depuis la dernière attaque fin août. Vacanciers, hôteliers et autres professionnels du tourisme s'impatientent et se demandent combien de temps cela va durer. Réponse sans doute cet après-midi puisque la mairie de Saint-Paul a prévu d'annoncer une date de remise en place des filets dans la journée. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. Politique, Jean-Jacques Vlodi a remis hier à la ministre des Outre-mer, Erika Barecht, son rapport sur l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement géographique. Un rapport dans lequel le député de La Réunion propose 118 mesures pour développer les liens économiques entre les DOM et les pays qui les entourent. Parmi ces propositions, l'internationalisation des entreprises d'outre-mer. Jean-Jacques Vlodi est au micro de Titiana Marone. On a fait le constat aujourd'hui, notre éducation nationale est malade. Elle est malade. Elle crée de l'illettrisme, elle crée des jeunes qui se retrouvent malheureusement sur le carreau et qui ont des difficultés à maîtriser les savoirs fondamentaux, comme le français. Donc, tirons les leçons de ces échecs et essayons de trouver de nouvelles formules, de nouvelles solutions. Même si ça doit faire grincer des dents auprès de certaines corporations, de certains corporatismes, et de certains systèmes archaïques, je pense qu'elle vise avant tout l'intérêt de nos enfants. Voilà, nous avons finalement entendu Fabien Coipel-Sauret qui s'exprimait après le débat des primaires à droite avec cette proposition de la candidate, je vous en parlais en titre, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui proposait des contrats à durée déterminée pour les enseignants de l'éducation nationale. On va tout de suite écouter Jean-Jacques Vlodi qui a remis hier son rapport à la ministre Erika Barecht au sujet de l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement géographique avec cette proposition internationaliser les entreprises d'outre-mer. Beaucoup d'entreprises essayent, tentent, font des prospections, vont travailler à l'étranger, en tout cas essayent et se retrouvent confrontées à un certain nombre de difficultés. Je fais quelques propositions très, je dirais, simples. C'est d'abord la création d'un crédit impôt à l'internationalisation, c'est-à-dire l'accompagnement sur le financement de tout ce qui est prospection, études de marché, enquête en termes de possibilités. Il faut mettre en place une fiscalité adaptée à l'export, c'est-à-dire donc concrètement, il s'agit d'une fiscalité allégée sur les emplois, donc créés pour l'export. C'est aussi garantir les investissements donc, de ceux qui partent à l'internationalisation. Il faut que l'on passe d'une logique trop souvent d'adaptation réglementée aux législatives à une logique d'adéquation républicaine avec sa réalité géographique. Il est midi 7 sur Réunion Première, la suite de votre journal, Antoine Garnier. La 4G, le haut débit mobile, sera installée le 1er décembre prochain en Outre-mer, selon la ministre des Outre-mer, Erika Barecht, et la secrétaire d'État au numérique et à l'innovation, Axelle Lemaire. La 4G qui n'arrivera pas seule à la Réunion, puisque l'opérateur Zeop Mobile fera également son apparition au 1er décembre. Nouveau rebondissement dans l'immeuble des Lataniers, situé au Butor à Saint-Denis. Ces appartements, dont 80% ont été déclarés indécents par l'Agence régionale de la santé et la CAF en juillet 2015. Et depuis l'année dernière, un premier groupe de 7 familles de locataires est monté au créneau en portant l'affaire devant la justice, assistée par la Confédération nationale du logement. C'est dans ce cadre qu'une expertise avait été ordonnée par le tribunal fin 2015, mais elle n'avait pas pu être menée à son terme. Alors, un nouvel expert judiciaire accompagné du bailleur social, la SIDR, et des promoteurs de l'immeuble s'est rendu hier chez les locataires pour une seconde visite. Mais la rencontre a tourné court, les locataires refusant l'accès à leur appartement à l'expert, car Éric Fontaine, l'administrateur de la CNL qui les défend, ne pouvait pas les assister et ce dernier ne comprend pas ce refus. On l'écoute. Je pense qu'il y a bien d'autres raisons de lutter, qu'ils ont raison de lutter pour que les ultramarins accèdent aux mêmes droits que les autres, mais qu'empêcher une enseignante de prendre son poste pendant plus d'un an, c'est finalement nuire aux étudiants, nuire à l'enseignement. Or aujourd'hui, les élèves et les étudiants de La Réunion ont besoin d'un meilleur enseignement. Voilà, on a décidément un ordinateur qui nous joue des tours. Nous allons écouter tout de suite Éric Fontaine, qui n'a pas pu assister à l'expertise dans l'immeuble des Lataniers hier. Éric Fontaine qui ne comprend pas pourquoi, et d'ailleurs les locataires non plus. Ils ont donc refusé cette expertise. C'est la première fois que je vois ça, parce que la première expertise que nous avons eue ici au mois de décembre s'est déroulée également sans problème. On a vu en tout cas des constructeurs très énervés dès notre arrivée, et nous espérons que les choses se dérouleront comme les choses devront se dérouler. Rappelons quand même que cette expertise a été demandée depuis l'année dernière. Quand nous avons demandé l'expertise à l'époque, c'était pour rechercher les origines des fuites et les moyens à mettre en œuvre pour faire en sorte que les locataires puissent vivre dans des conditions dignes. Et de fait, cette expertise arrange aussi les SIDR, parce que ça permet aussi les SIDR de bénéficier des éléments, des arguments pour aller contre ces gens qui ont bâti ces immeubles, qui sont aujourd'hui des bidonvilles. Plus qu'une journée pour profiter des soldes, elle s'arrête ce soir. Les Réunionnais ont disposé de 6 semaines pour faire de bonnes affaires dans les magasins qui affichaient pour certains jusqu'à 70% de rabais. Une façon pour les boutiques d'écouler l'ancienne collection et pour laisser place à la nouvelle. Mais les Réunionnais ont-ils été nombreux à profiter des petits prix durant cette période? Et surtout, que vont-ils faire des invendus, ces commerçants? Élément de réponse avec le reportage de Johan Adamadorassi dans le centre-ville de Saint-Denis. Bilan plutôt mitigé des soldes chez les commerçants. Si certains trouvent qu'ils ont relativement bien vendu leurs produits, d'autres estiment ne pas avoir fait recette. C'est le cas de Moussa Mohamed, vendeur de prêt-à-porter. On a travaillé un peu la première semaine et après une grosse chute au niveau des ventes. On est à 40% en moins par rapport à l'année dernière. Et même au niveau de la fréquentation en ville, c'est beaucoup moins fort. Du coup, des produits soldés n'ont pas trouvé preneur et c'est bien dommage selon Nour Mangrolia, gérant d'une société. Si ça ne s'est pas vendu en période de soldes, ça ne va pas se vendre après la période de soldes. Donc c'est des produits qui sont, je vais dire, perdus, qui remontent dans le stock, en fait. On garde en stock, soit on fait des dons. Pour certains, ces produits resteront en magasin, comme chez Julie Sidiot, gérante d'une boutique de lingerie. On ne vend jamais tout à 100%, malheureusement. Ces marchandises resteront au prix soldé. Il y a toujours un petit rayon où on laisse nos articles qui ont été soldés au même prix. Pour d'autres, les soldes disparaîtront des rayons, mais juste pour quelques temps. On va tout ranger, on a une nouvelle collection, on va déballer et on repartira comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces invendus? On gardera pour les prochains solde de février. Et les invendus, on garde, les prochains soldes, on va solder, mais plus encore. Une pratique que certains consommateurs comme Melinda ont déjà constatée. J'ai été en magasin, tout ce qui était intéressant n'était pas soldé. Ils ont ressorti vraiment tous les vieux trucs, ils ont soldé, et le reste, ils ont laissé au prix initial, en fait. Il n'y a pas eu trop d'efforts. Ce qui pourrait expliquer la baisse des ventes chez certains commerçants. Reportage signé, Johan Adama Dorassi. Saint-Pierre-Oise Excelsior, c'est l'affiche de la finale de la Coupe régionale de France qui se jouera le 23 octobre prochain au Stade de l'Est dans le Nord. Mais les supporters des deux clubs du Sud ainsi que les dirigeants et même certains élus espéraient que ce match se joue dans le Sud et s'il avait envisagé de modifier le calendrier fixé lors des huitièmes de finale, Noël Vidotte est plus que jamais déterminé à maintenir la rencontre à Saint-Denis car il estime que derrière la polémique, un autre match se joue en coulisses, celui des prochaines élections de la Ligue réunionnaise de football. Noël Vidotte. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de problème, d'accord ? D'un coup, ce problème surgit, alors que en demi-finale, tout le monde est d'accord de jouer à Saint-Denis. Mais cependant, on constate cette montée en puissance de ce débat qui me permet de penser que les élections arrivant bientôt, il y a un couleuvre dans le terrier qui ne sort pas aujourd'hui parce que c'est pas moi, c'est les autres, pour permettre justement à ce que les présidents de clubs puissent penser que Noël Vidotte enlève le football dans le Sud. En tout cas, moi en tant que président, je suis à la tête d'une ligue avec un comité directeur pour l'ensemble des citoyens réunionnais. Moi, je ne travaille pas forcément pour le Sud, ni pour le Nord, ni pour l'Est et l'Ouest. Je travaille pour la Réunion. Le président de la Ligue réunionnaise de football, Noël Vidotte, interrogé par Loïs Mussard. La finale est donc bien prévue encore pour l'instant le dimanche 23 octobre à 16h au Stade de l'Est à Saint-Denis. Et ce sera un match à suivre en direct sur Réunion Première. Il est midi et 13 minutes sur Réunion Première. On fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Le débat de la primaire à droite a rassemblé 5 600 000 téléspectateurs, meilleure audience de la soirée. Et aux yeux de ces téléspectateurs, c'est Alain Juppé qui a été le plus convaincant hier soir lors de ce débat sans surprise. Des réponses chronométrées, des échanges cadenassés, à part quelques pics, le ton est resté courtois entre les 7 candidats. L'alerte rouge est désormais levée dans l'Hérault, le département repasse à l'orange. Des trombes d'eau sont tombées ces dernières heures, malgré tout les dégâts sont limités dans le département. Une vingtaine de routes barrées à cause des inondations, des rivières sont en crue. Les écoles vont rouvrir cet après-midi dans l'Hérault. Deux autres départements sont en alerte orange, le Gard et le Var. Le déluge est en train de se déplacer petit à petit vers la Côte d'Azur. L'affaire de la sextape du footballeur Mathieu Valbuena va-t-elle s'écrouler comme un château de cartes? La justice examine aujourd'hui l'annulation de la procédure. Les suspects, notamment Karim Benzema, veulent faire annuler l'enquête. Ils dénoncent les méthodes employées par les policiers. Il est reproché notamment à un policier de s'être fait passer au téléphone pour un proche de Valbuena pour pousser un des maîtres chanteurs à réclamer de l'argent. Et puis l'épidémie de Zika est officiellement terminée en Martinique. Le nombre de malades est en forte baisse. Ce virus transmis par les moustiques a fait un mort sur l'île. Il inquiétait surtout à cause du risque pour les bébés. Si une femme enceinte est contaminée par Zika, son nourrisson risque de souffrir d'une malformation de la tête. France Info. Le développement de tous ces titres, ce sera tout à l'heure à 13h. Tout de suite, un point sur la météo. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Cet après-midi, le temps reste plutôt agréable. Les nuages accrochent petit à petit les montagnes de l'île et s'étalent vers les plages. Mais les principaux sommets resteront dégagés. Le vent d'est à nord-est garde une bonne allure. Il soufflera entre 40 et 50 km/h en rafale entre Saint-Denis et le port et de l'autre côté vers Saint-Philippe. Pas de houle significative à signaler. La mer est donc peu agitée. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Samedi et dimanche, de midi à 14h, tous en première le week-end, avec Beverly. Votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité dans l'océan Indien. L'Afrique, Madagascar et une partie de l'océan Indien s'est préparée. Et des actus insolites avec des places de ciné à gagner. Tous en première avec Beverly, samedi et dimanche, de midi à 14h, sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Du 13 au 16 octobre, Réunion Première vous invite à Sillaos pour fêter la lentille, patrimoine agricole et culinaire de Sillaos. Au programme, élection de la reine des lentilles et de la mamie lentille, une journée de la troisième jeunesse avec Joël Beg, une après-midi marmaille, un plateau artistique ainsi qu'un crosse des lentilles. Dès jeudi, retrouvez sur Réunion Première Karen et Jean-Claude Machir pour suivre ces 4 jours de festivités au cœur de Sillaos où la lentille sera à l'honneur. Le saviez-vous ? Notre air est naturellement capté par la canne, qui absorbe le CO2 de nos véhicules et purifie notre air. Maintenant, vous savez pourquoi la filière canne-sucre contribue à améliorer notre environnement. filière canne-sucre au cœur de la Réunion. Première. Bonjour à tous, bienvenue sur Réunion Première. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour du magazine de la rédaction. Et cette semaine, Sophie Persson nous fait découvrir les coulisses du traitement des déchets. Que deviennent-ils une fois que nous les avons mis dans la poubelle? Eh bien, c'est à Pierrefonds que ça commence, de la collecte au centre d'enfouissement. Sophie Persson a suivi pour nous les équipes qui travaillent sur ces différents sites. Un bac vert, plus un autre bac vert, plus un autre bac vert. Ils s'alignent le long des trottoirs à Ravine-Blanche ce matin-là. Et tous ces bacs, à la fin de l'année, représentent 52 500 tonnes d'ordures ménagères. Où vont nos déchets? Ils disparaissent comme par miracle le matin sur le trottoir. Mais la suite, c'est loin d'être de la magie. C'est beaucoup d'argent, du temps et de l'organisation. Alors on commence dans le camion poubelle. Donc en fait, on a un écran carrément vidéo là dans le camion et vous voyez ce qui se passe derrière. Caméra. Il y a des caméras. Il est tout neuf de toute façon ce camion là. Caméra et ça c'est le GPS. Alors, je m'appelle Mesino Patrick, je suis le moniteur et formateur interne dans l'entreprise, au champ de l'environnement. Ah, alors vous êtes en train de faire de la formation en ce moment parce qu'il y a des nouveaux camions, c'est ça? Il est tout neuf celui-là? Exactement, c'est un véhicule tout neuf de marque Fun. Donc c'est le type de benne à ordures avec des systèmes de sécurité. Nous avons des écrans à l'intérieur qui nous permettent de voir tout l'arrière du véhicule, donc supprimer l'angle mort et avoir plus de sécurité en marche arrière, ainsi qu'un interphone pour communiquer avec le reaper qui se trouve à l'arrière pour lui donner les consignes à suivre lors des marches arrière et les guidages. Ouais, parce que là on est dans un endroit où on peut pas faire demi-tour par exemple. Exactement, donc le reaper est en communication directe avec le conducteur s'il y a un souci. Il a plus besoin de, on va dire, parler fort le matin, parce qu'on passe très tôt le matin, donc il n'est pas obligé de crier à son reaper les consignes, il peut le faire avec l'interphone, et le véhicule est plus silencieux, et on fait très attention à faire le moins de bruit possible pour réveiller les gens. Oui, parce que vous passez tôt. On passe très tôt, voilà, on commence à partir de 3h30 du matin. Et nous avons aussi un système de guidage. Ah oui, alors il y a un deuxième écran. Alors il y a un premier écran, c'est la caméra, ça permet de voir ce qui se passe derrière. Et puis il y a un deuxième écran à la droite du chauffeur avec des plans. Exactement. Donc comme nous sommes passés en collecte une fois par semaine et deux fois par semaine pour tout ce qui dit restauration, école, etc. Toute la collecte a changé, donc tous les circuits ont été modifiés. Pour que les chauffeurs puissent se guider correctement et qu'on puisse collecter tous les riverains, nous avons mis en place un système de géolocalisation et de GPS. Donc ils sont guidés par satellite sur le circuit qui retrace et qui retransmettent les données au centre de régulation et de collecte qui nous suit en temps réel. Et grâce à ce matériel, on peut aussi remonter les informations, bacs non collectés, véhicules gênants, stationnement gênant, etc., etc., etc. Ouais, c'est quand même très pratique et très, très moderne, en fait, tout ça. Exactement. Du coup, oui, une fois par semaine, il va falloir que les gens s'habituent, là. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous avez anticipé ça? Oui, nous avons anticipé par des rattrapages. Effectivement, certaines personnes n'ont pas le réflexe de remettre le bac ou mettre le bac à l'ancienne date parce qu'ils se basent encore sur les anciens calendriers et non sur les nouveaux. Donc pour tout ça, nous avons une deuxième équipe l'après-midi et toutes les anomalies, toutes les remontées que nous avons, nous faisons partir une deuxième équipe l'après-midi pour collecter ces anomalies. C'est traité l'après-midi. L'après-midi. En tout cas, on fait tout notre possible pour qu'il y ait le moins d'anomalies possible et que les gens, les bacs soient collectés en temps et en heure. Tout changement apporte, on va dire, ses lots de complications et ça demande un temps d'adaptation, que ce soit pour les gens sur le terrain et les équipes aussi de collecte. Donc les gens, ils sont formés en ce moment, c'est vous qui vous occupez de ça? Exactement. Moi, enfin, je ne suis pas seul, je suis le formateur principal et j'ai une équipe avec moi de moniteurs terrain qui accompagne les conducteurs. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. C'est comment votre nom ? Richemont. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche alors ce système-là ? Voilà, ça c'est... Il y a plein de boutons. Il y a plein de boutons. Ça c'est pour les geleurs. Et ça c'est par exemple les poubelles revient. Et c'est fait pour caler. Et ça pour faire retour de la presse. Et ouais. Après on a les geleurs pour faire monter les poubelles. Voilà, c'est tout. Donc on commence par quoi alors ? Vous commencez comme ça. Voilà. Là ça monte. Et là ça monte. Voilà, ça c'est fait des trois coups. Et puis là ça a le tête qui sort, c'est tout. On attend un peu descendre, voilà. Le deuxième. C'est pareil. Et s'il y a un souci, donc vous pouvez appuyer sur. Voilà, on appuie sur le bouton si jamais on a un souci de sécurité en rouge. Et on paye des six si jamais les poubelles demandent d'autres ça. Ouais, puis il y a intérêt de faire attention parce que la presse là, c'est dangereux, ça faut pas que. Ah non, ben quand une poubelle, normalement, elle tombe dedans, on n'a plus le droit de pouvoir reprendre les poubelles là-dedans. Ouais, tant pis. Voilà, tant pis. Sommes désolés, naturellement. Et vous entendez ce qui tombe dans les poubelles? Est-ce que les gens trient bien? Parce que des fois, là, on entend par exemple des bouts de verre alors qu'on est dans le bac vert, là. Hein. Dans les poubelles vertes, les gens mettaient tellement beaucoup de choses, mais après, dans le jaune, il faut trier. Les jaunes, il faut par contre respecter un petit peu, mais les verts, on met un peu tout. Ouais, c'est ça, hein, là, on entend, il y a du vert, là. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses, et jette dans les poubelles, et ben, on peut faire rien faire, hein. C'est comme ça, hein. C'est vrai. On ne veut pas les engueuler non plus. Ah ben non, jamais. Mais les gens, ils sont sympas avec vous, ils vous parlent. Oui, oui, beaucoup, oui. Ils sont très sympas, les gens, en ce moment. Il n'y a pas de problème. Nous, on fait le boulot, ben, il fait le sien. C'est tout. Ok. Ok. Dire ça quand même, ouais. On se fait la réflexion, là. Moi, je vois, il y a des poubelles juste là. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas prises? En fait, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit parce que les poubelles sont dans un sens interdit. Donc, ils sont obligés de faire une boucle pour remonter et prendre les bacs dans un sens. Effectivement, ils pourraient faire une marche arrière sur 10 mètres pour prendre ces bacs. Mais le code de la route nous l'interdit. Et nous avons aussi l'obligation de respecter la R437. Donc une nouvelle réglementation. C'est une réglementation qui vient de passer et qui nous dit que les voies en double circulation, où les véhicules se croisent, nous ne pouvons plus traverser la chaussée pour aller ramasser les bacs de l'autre côté de la route. Donc on est obligé de faire des allers-retours. Donc pour les gens qui voient le camion passer devant chez eux... Mais pourquoi ils m'ont pas pris ma poubelle? Mais pourquoi ils m'ont pas pris ma poubelle? Parce qu'il y a une semaine, on prenait ma poubelle à gauche. C'est juste que le camion remonte. Le reaper ne peut plus traverser la voie, donc il est obligé de monter pour faire demi-tour et redescendre et collecter de l'autre côté. D'ailleurs, il n'y a plus qu'un reaper, là. Alors oui, il n'y a plus qu'un reaper, mais en fait, depuis quelques années, la législation a changé, donc nous ne sommes plus dans l'obligation de mettre deux reapers, car justement, nous avons des systèmes de sécurité, caméras, capteurs, etc. Donc qui limitent les risques, parce qu'avant il y avait deux reapers, ce qui n'y avait pas toutes ces sécurités. Voilà. Oui, puis ils pouvaient traverser, justement, ils étaient là, on les voyait courir dans tous les exactement. Sens. Exactement. Un seul reaper, le reaper reste toujours à droite et collecte uniquement à droite sur les trottoirs. Donc plus de risque de traverser la chaussée, moins de danger, moins d'accidents, parce qu'il faut savoir que dans le métier de la collecte, quand il arrive un accident, généralement, c'est généralement des accidents graves. Donc il y a des morts. Le danger est même plus important que dans le BTP. On a plus d'accidents du travail dans la collecte des ordures ménagères que dans le BTP. Après les bacs verts, direction maintenant un dépôt d'encombrants. Là, ce n'est plus Auchung Environnement qui s'occupe de la collecte, mais la Semré. Laurent, accompagné d'un collègue, remplit une benne. Feuilles de tôle, vieilles marmites, morceaux de bois, il ramasse tout, ou presque. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire, monsieur? Là, on tient les béquilles pour équilibrer le camion. Là, on commence à ramasser maintenant. Et alors là, on est devant un tas d'encombrants. Ah oui, et on va ramasser tout. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a tout mélangé, la tôle, les meubles, les ordures ménagères, on a tout dedans. Qu'est-ce que vous voyez régulièrement comme ça dans les encombrants? Les gens, ils mettent quoi? Ben, les mélanger comme ça, tout souvent. Souvent? Souvent, tout le temps. Est-ce qu'il y a des belles choses des fois? Non. Non. Non. Est-ce que vous trouvez que les gens font attention et respectent bien les endroits? Non, pas du tout. Alors moi, c'est un endroit de ces végétaux. Ouais, il y a les déchets verts, pas trop là, ouais. Voilà, ils mélangent tout ensemble. Fais attention les yeux. Il y a tout qui part là, la tôle, la boîte de pizza, tout. Ah, tout, tout. Et comment vous allez faire pour récupérer la gazinière là? Mais tout ensemble, quand on arrive à décharger, il y a un tuyau. Et vous avez réussi à la prendre avec les grosses pinces là. Ah oui. On tout avec ça. La gazinière n'est pas un problème, la gazinière. Ah bah il y a même une marmite dans la gazinière. Et parfois elle est pleine, on compte manger dedans. Et on compte goûter tout dedans. Là on ouvre la porte pour pas faire péter la vitre. Mais sans casser la porte et le vitre, sinon les fanées partent. Le pneu vous prenez pas? Non. À cause? Ben c'est notre service. Bac vert encombrant la collecte, c'est aussi bien sûr les déchets verts et les bacs jaunes. La collecte d'ordures pour la Civis, c'est un budget de 85 millions d'euros par an. Revenons à nos ordures ménagères. Pendant que les bacs verts sont ramassés par Richemont à Ravine-Blanche, un peu plus loin à Pierrefonds, le centre de régulation de la collecte visualise le camion dans une salle remplie d'écrans. Léo Puyrénier, le responsable de ce centre. Ici, c'est un centre opérationnel, donc cette salle a été créée. Et cette cellule a été créée pour suivre en permanence tous les camions qui circulent donc sur l'ensemble du territoire et afin de coordonner en fait les équipes. Ensuite, on gère aussi en fait la coordination entre les équipes puisque tous nos camions sont équipés de GPS. Donc ici, avec les écrans, on visualise en temps réel tous les camions. Par exemple, si un camion est en retard parce qu'il y a eu des difficultés au niveau de la circulation pour un événement X ou Y, on peut détourner un camion qui a fini, lui, sa collecte pour aller en renfort. Avant, on était obligé d'attendre le retour des équipes pour pouvoir renvoyer des camions. On a des véhicules qui sortent le matin et l'après-midi. Donc le matin, on sort à peu près on suit à peu près une trentaine de véhicules et l'après-midi, une quinzaine. Là, pour l'instant, on a 6 personnes, donc 3 le matin, 3 l'après-midi. Qui se relaie du coup tout au long de la journée pour toujours être ici. Le but, c'est que à chaque moment, si un chauffeur a un problème, il puisse appeler ici, puisque dans tous les camions, ils ont des dalles. Il y a le numéro qui est enregistré, ils appuient et ici, on peut leur apporter une aide. Rentabiliser, optimiser, une nécessité, car les camions que vous voyez passer devant chez vous coûtent environ 200 000 euros pièce. Communique pour l'instant, il rappelle à vous dès que possible. Devant son écran, Charlemagne fait partie des opérateurs qui suivent la collecte. Alors, je vérifie tous les circuits, si chaque véhicule est sur le bon circuit et un petit peu le pourcentage de la progression de chaque circuit pour avoir une tendance sur l'avancée. Est-ce qu'ils sont dans le bon timing, s'il faut une entraide Ben là où vous êtes, je suis sur le 2 parce que je chipote un petit peu le O2, c'est Saint-Louis, Cilaos, les avirons étant salés et... Après, je peux basculer ici sur le lot 1, sur la commune de Saint-Pierre, petite île. Alors, ça se passe comment, Fatin? Pour l'instant, ça se passe bien. On croise les doigts pour que ça continue. Mais vous voyez quoi, en fait? Les camions, c'est ça? Voilà, ici, nous avons les camions en temps réel, la progression des camions en temps réel. Les et camions rouges, c'est quoi? Voilà, c'est les camions rouges, ce sont les 26 tonnes. En vert, ce sont les 2 tonnes. Il y en a un qui est où, là, sur la nationale? À Grandbois, on collecte sur Grandbois, la rue des Coteaux. Voilà. Ouais, et sur les courants de droite, on a tout ce qui est circuit de référence pour pouvoir calquer et voir réellement s'il est sur le bon circuit, s'il ne s'est pas trompé de rue. Comme ça, on peut l'appeler directement en lui disant bah, écoute, c'est OK, ou tu t'es trompé de rue, refais demi-tour pour venir. On doit suivre et puis essayer d'activer les choses tout de suite pour éviter toute réclamation. Voilà. Toujours à Pierrefonds, mais un petit peu plus loin, les déchets ne sont plus sur écran, mais bien réels dans des camions. Au centre de tri, tout ce que vous avez jeté dans votre bac jaune va se retrouver sur des tapis roulants. On retrouve Hervé Adelson, le directeur du centre, à l'entrée, là où arrivent les camions. On a une entrée d'un camion qui vient effectuer sa pesée entrante, c'est-à-dire pleine, sur le pont bascule. Et à l'entrée du pont bascule, on a des portiques qui permettent de détecter d'éventuelles substances radioactives. On a ensuite à l'intérieur l'opérateur de pesée qui va délivrer au conducteur son poids plein et il va lui donner l'autorisation d'aller dépoter sur les zones dédiées. Alors les zones, on va aller les voir. Le fameux camion qu'on a suivi sur le pont bascule, on voit son parcours et son orientation vers le hall de dépotage de la collecte sélective. À l'intérieur de ce camion, il y a quoi ? Des cartons, des bouteilles, des trucs comme ça ? Absolument, essentiellement des déchets recyclables, revalorisables. On va se décaler, il y a un camion. Recyclables, revalorisables, secs. Parce que si ces déchets sont humides ou si ces déchets sont souillés par de la matière organique, genre alimentaire, ils ne peuvent pas être conditionnés et exportés en tant que matière valorisable. Alors c'est pour ça qu'on en profite, dans le bac jaune, on met que des choses propres. Dans le bac jaune, on met que des matières recyclables, sèches et propres. Sinon ça sert à rien. Sinon ça ne sert à rien. Sinon ça part en ordure normale, quoi. Il n'y a plus d'intérêt d'avoir un bac jaune après. Voilà. D'où l'importance d'avoir un bac jaune qui soit correctement trié à la source. Combien de tonnes vous recevez là par an à peu près ? Alors, le centre de tri reçoit sur l'exercice 2015 par exemple environ 16 000 tonnes. On a 90% du tonnage qui est représenté par de la collecte sélective, donc la civis et les déchets de la CASUD, et 10% de ce qu'on appelle les déchets d'activité économique, nos DIB. On avance ? Oui. Donc voilà, vous avez le gisement qui arrive, donc l'ensemble des camions qui dépotent dans ce hall qui permet de ce hall de stockage de la collecte sélective. On peut décrire, c'est un tas de papier, de bouteilles plastiques, de cartons, qui fait quoi, je sais pas, 5-6 mètres de haut là ? Alors ça doit faire à peu près, un peu moins, parce qu'au fêtage on doit être à 6 mètres, donc on doit être à peu près à 4 mètres de haut, sur une largeur peut-être d'environ 10 mètres, mais ce qui c'est pas étonnant, c'est vu que c'est une gestion qui est faite au fil de l'eau. Donc là c'est en vrac. Oui. Et puis ça va partir sur une machine là, c'est ça ? Absolument. Donc le déchet qui est dépoté par le camion est stocké à ce niveau-là. Donc comme vous le voyez, on a un engin qui reprend ce déchet et qui va alimenter la trémie d'alimentation. Donc une alimentation de la trémie avec derrière ce que vous voyez le process industriel de tri avec un ensemble de tapis convoyeurs et également du tri mécanisé. Ouais, c'est une grande machine bleue, hein, on va dire. Les déchets sont posés dessus et puis après, hop, ils partent comme voilà, ça. Voilà, avec, on va dire, il y a à peu près une soixantaine de tapis, une soixantaine de convoyeurs, avec deux gros séparateurs industriels. C'est les grosses machines bleues que vous voyez là-bas et là. La grosse machine bleue là-bas permet de séparer les cartons, un décartonneur. Et la machine bleue que vous voyez ici, c'est un séparateur balistique qui permet de séparer les corps creux et les corps pleins. Corps creux, c'est quoi ? Un corps creux, c'est une bouteille. Et un corps plein ? Un corps plein, c'est un carton, par exemple. Vous avez également, la petite roulette là, qui tourne, ouais. Un overband, en gros un gros aimant, qui permet de collecter toute matière ferreuse. Voilà. Tout ce qui part avec un aimant, éventuellement, là, c'est avant que ça parte définitivement, c'est récupéré là. Exactement, c'est récupéré à ce niveau-là. Et puis, on le verra tout à l'heure, avec dessous une presse qui permet le conditionnement de ces canettes principalement. Si on a fait tomber des bijoux dans son bac jaune sans faire exprès, c'est là qu'il va être récupéré. Alors, non, il ne va pas pouvoir être récupéré là parce que c'est un... C'est un overband, donc c'est un gros aimant qui permettra de capter uniquement les objets qui contiennent du fer et massif. Là, typiquement, en fait, sous le gros aimant, sous l'overband, on a une presse à paquets avec un opérateur qui récupère donc des paquets. Pourquoi des paquets ? On va le voir directement. Parce qu'ils ont la forme d'un petit paquet. Toutes nos conserves, toutes nos canettes sont compactées par une presse pour avoir ces petits paquets. Ça fait comme une petite valise, quoi. Exactement. Des petits paquets qui sont directement empotés en conteneur. Génial. Et ça part après En export. Alors c'est là où peut-être le bât blesse, on n'a pas ici d'usine pour recycler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Il y a des canettes effectivement de soda, il y a des boîtes de lait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On pourrait faire plein de choses, on pourrait faire plein de choses. On pourrait faire des vélos, on pourrait faire des pièces, on va dire, en acier. On pourrait faire plein de choses. Voilà. Aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas la filière adéquate. Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment de volume, de manière à pouvoir revaloriser ces matières intéressantes. Donc ça part où? Alors ça part principalement en Asie, et là pour l'acier, ça part en Inde et en Malaisie. Une fois que le déchet passe sur les différents tapis, une fois que le déchet passe sur les séparateurs, le décartonneur et le séparateur balistique, on a le gros flux du déchet donc qui s'oriente directement dans les cabines de tri, pour une opération de tri manuelle. Ça y est, les cartons ont été mis de côté, nos canettes ont été ratatinées, pressées. On a aussi vérifié ce qui se trouve dans les camions par des prélèvements. Ça permet de savoir dans quel secteur on trie bien et dans quel secteur on trie moins bien. Il faut maintenant passer au tri manuel pour séparer les bouteilles plastiques du papier, par exemple. Mais malheureusement, ça n'est pas si simple. Alors Thierry Pingin, vous êtes superviseur aujourd'hui. Vous supervisez quoi là dans cette salle? Déjà on est dans une grande salle où il y a des... Comment on appelle ça? Des tapis roulants. Tapis roulants. Et puis des gens un peu partout autour du tapis. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ben les gens trient. C'est le déchet de la poubelle jaune. Ce que les gens remettent dedans. Et pour, comment dire ça, pour enlever tout ce qui n'est pas bon. Voilà. On a trois tapis. On a le corps plat, le corps creux. Ah ben là, je viens de voir une chaussure. Elle avait rien à faire là-dedans. Non. Il y a les chaussures, il y a les linges, les dicks des voitures, les cadavres d'animaux. Oh ! Oui, les cadavres d'animaux. Et il y a des fils et il y a surtout des seringues. Bon, il y a beaucoup de seringues. Oui, diabétiques et puis autres aussi. Hein. On a eu 15 à 14 piqûres en 2015-2014. D'accord. Bon, avec les piqûres. Mais les gens mettent n'importe quoi aussi dedans. Hein. On a même les déchets verts. Du coup, c'est embêtant parce que ça donne du travail. En plus, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, en fait. Oui. C'est que si on met n'importe quoi dans la poubelle jaune, du coup, les gars ici, ils ont beaucoup plus de travail. Oui, ils ont beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et puis, il faut faire très, très attention. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dessous. Ouais, il peut y avoir des verres bouteilles, des seringues, comme je dis. Même des hameçons aussi. Ouais, donc c'est dangereux parce que eux, ils peuvent se blesser, là, après. Oui, peut-être se faire blesser. Et puis, même les cadavres des animaux, on ne sait pas combien de temps ils sont passés dans la poubelle, combien de temps ils sont morts, et après, ils arrivent ici en haut, et l'odeur, hein. Ouais, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, aux gens qui mettent un peu n'importe quoi dans le bac jaune? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ben, s'ils pouvaient éviter de mettre tous ceux qui sont pas dans la poubelle jaune, comme je redis, les cadavres d'animaux, les déchets verts, les seringues. Et dans les poubelles, ils doivent mettre que du papier, du carton et des bouteilles. Du PET, du bouteille Javel, tout ça, PHG. Parce que c'est pas bien pour vous, quoi, ça. Non, c'est pas bien pour la santé, parce qu'on est des pieds de famille. Ils peuvent être leurs cousins ou leurs neveux ou bien leurs frères aussi qui travaillent là-dedans. Faut qu'ils pensent à ça. Voilà, il faut penser à ça. Pour éviter de retrouver tout et n'importe quoi dans les bacs jaunes, il faut faire de la prévention. C'est le travail de Cédric. Il est médiateur à la Civis et il intervient dans la commune de l'Étang Salé. Nos missions, c'est de mettre en œuvre auprès de la population et des acteurs économiques les actions sur le geste de tri et la valorisation des déchets sur le territoire de la Civis. Au quotidien, nous, ce qu'on fait, c'est la communication de proximité. Donc on est essentiellement sur le terrain. Donc la communication se fait auprès des ménages, auprès des artisans, des commerçants et des services communaux. Parallèlement, on fait aussi le suivi et contrôle des collectes. Des collectes. Tu leur expliques un petit peu aux gens comment ça se passe ici. Là, on est au centre de tri. Et comment si on met pas les bonnes choses dans le bon bac, ici au centre de tri, ça pose problème, tu leur dis? Alors exactement, nous quand on intervient chez les administrés pour la communication, les personnes qui sont moins réceptives au tri, On leur explique exactement le cheminement qui se passe au centre de tri pour qu'ils prennent réellement conscience qu'il y a un travail qui est fait. Donc le plus gros travail, c'est à eux en triant. Faut que ça soit, j'insiste bien là-dessus, faut que ça devienne au quotidien une habitude à prendre. Quand Thierry Pinguin et ses collègues ont terminé leur travail de tri, les bons déchets sont ensuite pressés dans une énorme machine et ça donne ce qu'on appelle des balles. Hervé Adelson. Des balles standardisées, on a des prescriptions techniques minimales, notamment des éco-organismes, et l'objectif derrière, c'est de constituer des balles qui respectent ces prescriptions techniques. Ouais, c'est des, on va expliquer, en fait c'est des carrés d'un mètre cube. Voilà, c'est des cubes d'un mètre par un mètre par un mètre cube, qui sont ensuite repris et empotés en conteneurs maritimes pour être exportés. Les balles sont affectées dans les conteneurs par type de matière. Donc on retrouve dans ces conteneurs tout ce qui est RJM, revues, journaux et magazines. On retrouve des conteneurs de carton, des conteneurs de PET, de PEBD, de PEHD, etc. et d'acier. Alors les cahiers des enfants qu'on achetait à la fin de l'année, ils sont où? Ils vont se retrouver là-dedans, dans le conteneur de RJM. Et ils partent où? Pour partir en export, en Asie, en Chine plus précisément. Mais restons à Pierrefonds. Notre bac jaune a donc été trié. Et c'est un peu plus loin, au centre d'enfouissement, que le bac vert collecté par Richemont à Ravine-Blanche va finir sa course, ainsi que les encombrants collectés par Laurent. Là, plus d'usines, mais un immense site en plein air et des déchets qui se font finalement presque discrets, sauf qu'ils sont en fait sous nos pieds. Nicolas Guérin de la direction tri, valorisation et stockage au centre d'enfouissement de Saint-Pierre. Aujourd'hui, on est entre 30 et 40 mètres de déchets par rapport au fond du casier. Il faut savoir qu'un casier, quand il est construit, on est obligé de reconstituer entre 1 mètre et 1 mètre 20 de sol relativement étanche pour éviter toute pollution de la nappe ou des sols. Donc au-delà de ce sol reconstitué, donc de cette argile, on va mettre une bâche afin de contenir tout ce qui est nuisance et notamment les effluents, les lixivias qu'on récupérera des déchets en fond de casier. Les déchets qui ont été collectés ce matin, ils sont en train d'être déposés là, à cet endroit-là? Alors oui, tous les bacs roulants, on va dire, collectés entre La Possession et Saint-Philippe arrivent aujourd'hui sur le site de la rivière Saint-Étienne. Donc ce sont 240 000 tonnes an qui sont collectées chaque année et enfouies sur ce site. Comment vous faites pour que ça vole pas partout? Parce qu'on l'entend, là, il y a un fort vent. Alors, en termes de gestion du casier, on a un compactage qui est mis en place avec des engins relativement lourds, entre 40 et 60 tonnes, donc qui vont compacter justement ces déchets et, je dirais, augmenter la densité, ce qui nous permet à terme de mettre, on va dire, 1,2 tonnes de déchets dans un mètre cube. Alors que quand le camion de déchets arrive, les déchets ont une densité d'environ 0,5, c'est-à-dire 500 kg pour un mètre cube. Donc le fait de compacter ces déchets permet d'avoir une certaine cohésion au niveau des plastiques et des autres déchets. Et de la même manière, on va recouvrir régulièrement ces déchets d'un certain nombre de matériaux, soit des matériaux terreux, soit sinon des refus de compost ou de criblage provenant de la station de traitement des végétaux, afin de limiter les envols et permettre de mieux contrôler les nuisances olfactives. C'est nos sacs poubelles là, qu'on voit, qui sont noirs, bleus, c'est ça qui peut s'envoler. Ah oui, vous avez énormément de plastique malgré tout qui reste dans les déchets. Comme on l'a vu au niveau des centres de tri, certains plastiques ne sont pas aujourd'hui valorisables, donc on les récupère soit directement dans les bacs roulants, soit sinon dans les refus du centre de tri, comme notamment du polystyrène. Ce sont des plastiques qui ne sont pas aujourd'hui valorisables. Voilà donc où finissent nos ordures ménagères. Le centre d'enfouissement, ce n'est pas un simple tas d'ordures. Les déchets en pourrissant produisent en effet des jus qu'on appelle lexivia et qui sont dangereux pour les nappes phréatiques. Ces jus doivent être traités. Et puis tout autour des buttes de déchets, on voit des tuyaux noirs. C'est par là que sort le biogaz généré par les ordures. Tout ça est extrêmement technique et coûte très cher. Quant aux encombrants, il faut encore s'en occuper lorsqu'ils arrivent au centre d'enfouissement. Alors une fois que le camion a été pesé au niveau de l'entrée sur site, on a un contrôle au déchargement qui s'effectue pour vérifier la conformité des déchets. Donc on est sur des déchets non dangereux, donc à ce moment-là il y aura un tri qui sera effectué sur les différents apports et à partir de là il y aura une séparation avec les différentes matières valorisables et les refus qui seront ensuite évacués. Alors aujourd'hui, on va séparer tout ce qui est métaux. Tous les déchets métalliques seront triés, valorisés. On va retirer aussi les déchets électriques et électroniques, donc tout ce qui est frigo, four, etc. On va aussi récupérer malheureusement des pneus qu'on retrouve encore au niveau des encombrants, des batteries qui sont également mises avec les encombrants qu'on va séparer, mettre dans des contenants spécifiques pour éviter tout risque de pollution, pour être évacués vers des filières de valorisation. À Pierrefonds, les déchets verts sont aussi traités et la bonne nouvelle, ils sont traités et réutilisés. Danielle Lyonnais, la vice-présidente d'ILEVA, le syndicat mixte qui gère le centre d'enfouissement. Les déchets verts ont fait du broyat, du compost sur tout le territoire d'ILEVA, on traite 100 000 tonnes et c'est distribué aujourd'hui aux collectivités, aux agriculteurs et aussi aux particuliers qui veulent venir chercher. Parce qu'on rappelle qu'avant, à cause d'une directive, enfin de normes européennes, eh bien on ne pouvait pas utiliser tous ces déchets verts. Oui, les différentes politiques de l'île de la Réunion, tout confondues, se sont battues pour faire comprendre à l'État français que nos normes étaient différentes de la métropole du fait de notre géologie. Et oui, trop de chlore par exemple, et c'est ce qui a empêché pendant de nombreuses années l'utilisation de nos déchets verts localement. Maintenant, ce n'est donc plus le cas. Et parmi les 35 hectares du centre d'enfouissement de Saint-Pierre, on trouve une partie consacrée à ces déchets verts recyclés sur place. Anne-Laure Payette, vous faites quoi ici ? Alors je gère la direction de traitement des déchets végétaux à ILEVA. Donc on suit l'exploitation de l'ensemble de nos installations de traitement de déchets. Alors quand j'ai coupé mes multipliants et que je les ai déposés devant chez moi, en fait ils arrivent là, ils sont plus verts du tout. Hein. Oui exactement, donc les déchets arrivent sur la plateforme de broyage de la rivière Saint-Étienne et sont subissent ici plusieurs traitements qui sont mécaniques et qui au final nous permettent d'obtenir un broyat qui sera ensuite redistribué aux professionnels de l'agriculture ou même à des particuliers. Donc c'est ici que ça se passe avec plusieurs engins qui permettent de broyer quoi. Tout à fait, donc on a les déchets végétaux arrivent bruts, ils font l'objet d'un tri mécanique avec des pelles, donc on enlève tous les indésirables qu'on peut encore malheureusement retrouver dans les déchets végétaux. Donc on peut retrouver des pneus, on retrouve des batteries, on retrouve de la ferraille. Donc l'objectif c'est d'enlever tous ces indésirables pour qu'on puisse ensuite le passer au broyage et obtenir un produit beaucoup plus affiné qu'on puisse ensuite donc redistribuer. Suite à ça, le broyat est passé donc dans un cribleur. Donc le cribleur permettra de séparer la partie fine de la partie plus grossière, toujours dans l'objectif d'obtenir un produit qui satisfasse aux personnes qui viennent le récupérer ensuite. C'est des agriculteurs, par exemple, qui viennent se fournir ici ? Oui, c'est essentiellement les agriculteurs qui viennent récupérer le broyat qu'ils utilisent en paillage ou dans leur champ. Et il y a une partie aussi qui permet de produire de l'électricité, c'est ça ? Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes en test sur une partie de notre gisement. Donc on a demandé des autorisations au service de l'État afin de pouvoir orienter du broyat en centrale thermique. Donc on fait des essais en période charbon et en période bagasse pour voir si ça nous satisfait et si ça correspond aussi aux besoins d'Albioma. L'objectif n'est pas de remplacer le charbon ni la bagasse dans son entier, puisque nos gisements ne seront de toute façon pas suffisants en termes de production sur le territoire. Mais il s'agissait de diversifier le type de valorisation qu'on a sur nos déchets végétaux. Oui, parce que j'imagine que tout n'est pas récupéré par les agriculteurs. La totalité du broyat produit est récupérée par les agriculteurs. Voilà. Après, on a une part d'indésirables aujourd'hui, de ce que je vous disais, le pneu, la ferraille, etc. Donc on a à peu près 20% d'indésirables, de refus dans nos déchets végétaux. Si la gestion des déchets est une affaire technique très pointue, même, c'est aussi une affaire politique. En 2018, le centre d'enfouissement de Saint-Pierre sera saturé et les politiques doivent faire des choix. Michel Fontaine, le président de la CIVIS. Il y a un chantier qui est un des plus importants à La Réunion, c'est le chantier concernant le traitement des déchets et il y a véritablement urgence. Oui, alors urgence, pourquoi ? Parce qu'en 2018, normalement, ici, c'est censé fermer. Ici, c'est censé fermer et aussi dans l'Est, c'est censé fermer des deux côtés. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête avec des grandes déclarations Yaka ou Faucon. Faucon, je suis entièrement d'accord, mais il faut qu'on fasse actuellement urgence pour prendre à bras le corps avec, bien entendu, les services de l'État, avec la DEAL, avec les deux syndicats qui ont été mis en place par l'ensemble des collectivités, pour un traitement qui soit un traitement partagé des déchets, qui consiste d'abord à le moins d'enfouissement possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, le plus de tri possible. Et la troisième chose, bien entendu, la récupération énergétique permettant cette fois-ci de ne plus importer de l'énergie qui aujourd'hui vient du charbon et du fioul lourd. On le sait très bien, d'ici à 2018, aucune unité de valorisation énergétique, qu'on peut appeler aussi incinérateur, ne pourra être construite. C'est pas possible, les délais sont trop courts. Les délais sont trop courts, mais néanmoins, nous avons des réunions quasi mensuelles, voire des fois importantes, avec monsieur le préfet et les services d'ADEAL, qui regroupent l'ensemble des collectivités qui s'occupent des traitements de déchets, que ce soit Sydney ou que ce soit véritablement Ileva, pour aller le plus vite possible dans les réglementations en vigueur et trouver aussi, bien entendu, les financements. En parlant de financement, on pourrait croire qu'entasser nos déchets dans un coin, ça ne coûte pas cher, mais en fait, si, et ça n'est pas donné. Le prix de l'enfouissement, c'est entre 8 et 12 millions d'euros tous les ans. Faites le calcul depuis 87, hein, depuis, ça ferait plus de 250 millions d'euros de travaux qui ont été faits véritablement sur ce site. Mais je crois qu'à côté de ça, il y a quand même d'autres problèmes. Le gaspillage foncier. Quand vous connaissez le prix du foncier à La Réunion, vous voyez, c'est près de 50 hectares qui seront condamnés pour de très nombreuses années. Le gaspillage matière, quand vous voyez, vous êtes passé tout à l'heure, ce qui est enfoui à la fois, bien entendu, dans le domaine de l'acier, dans le domaine du plastique lourd, dans le domaine de beaucoup de choses que l'on puisse véritablement récupérer et qui aujourd'hui, ce sont des richesses que l'on est en train véritablement de perdre. Et puis, le gaspillage énergétique. Si l'on veut compenser l'importation de ces énergies fossiles qui sont considérables à La Réunion, il faut véritablement, à travers les matières fermentescibles qu'aujourd'hui on est en train d'enfuir, par la méthanisation, pouvoir véritablement produire de l'énergie. Et là aussi, c'est trois gaspillages qui sont aujourd'hui inadmissibles. Pendant de nombreuses années, pour des raisons politiciennes, le dossier des déchets n'a pas avancé d'un pouce au département. Maintenant que nous sommes au pied du mur, avec deux centres d'enfouissement à saturation, y a-t-il une volonté politique de faire bouger les choses ? Il y a une volonté politique aujourd'hui qui est partagée. C'est vrai que pendant longtemps, l'approche était différente entre ceux qui envoyaient leurs déchets et ceux qui recevaient leurs déchets. Et c'est vrai que c'est facile, le geste, de dire « je m'occupe de l'environnement parce que je mets ça ». Mais ça, ça va où ? Ce que l'on met, son Kleenex ou autre que l'on met, ça va où ? Ça vient ici chez nous ou ça va à Sainte-Suzanne ? Ici chez nous, en 2018, c'est terminé. À Sainte-Suzanne, c'est terminé. Il y aura, bien entendu, un accord avec l'État pour que nous puissions véritablement prolongé, mais on ne pourra pas prolonger éternellement. Malheureusement, très souvent, on ne prend pas de décision parce que ce sont en période politique. Et il s'agit véritablement que la politique bloque tout. Je crois qu'aujourd'hui, le traitement des déchets regarde les élus de droite, de gauche, du centre, regarde l'ensemble des réunionnais et je dirais aussi l'ensemble des élus. Il est grand temps qu'aujourd'hui, nous prenions des décisions pour que ce traitement des déchets permette véritablement à La Réunion d'être véritablement cette île accueillante touristique et qu'on laissera un patrimoine en bon état à nos enfants. Maintenant, il s'agit de trouver un process qui soit un process qui permette, comme je vous disais tout à l'heure, d'être le plus partagé possible et surtout faire passer des messages à la population qui sont véritablement des discours réalistes. Et les discours réalistes aujourd'hui, on ne peut plus continuer, on ne peut plus polluer comme on fait aujourd'hui, avec le risque de détruire cette île que nous aimons tous. La région a donc choisi la construction de deux unités de valorisation énergétique, comprenant deux incinérateurs, mais des voix s'élèvent contre ce choix pour des raisons environnementales. Il est prévu aussi de plus recycler sur place, mais là on risque de se heurter à un paradoxe. Nous ne produisons pas assez de déchets pour que les usines soient rentables. Par exemple, il n'y a pas suffisamment de bouteilles plastiques pour permettre l'implantation d'une usine de recyclage à La Réunion. C'est bien pour cela qu'une grande partie de nos déchets est exportée. Comment faire avec ce qui reste ? C'est un défi très important pour La Réunion dans les années à venir. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont... Dans les coulisses du traitement des déchets, un magazine de la rédaction de Réunion Première préparé cette semaine par Sophie Persson. Le mondial de l'automobile se termine ce week-end à Paris. Il aura permis aux constructeurs de montrer tous leurs derniers modèles de voitures électriques. Le véhicule de demain, à en croire l'expansion de ce marché. Tessa Gromma nous en parle aujourd'hui dans la chronique éco. La chronique éco, Tessa Gromma. 17 200 voitures électriques ont été immatriculées en France en 2015, soit une hausse de 64% par rapport à l'année précédente. Et les ventes continuent d'augmenter en 2016. En part de marché, la voiture sans essence reste encore très marginale, moins d'1% des véhicules vendus dans l'Hexagone, encore moins outre-mer. Mais la tendance se confirme. D'ici 20 ans, la voiture électrique représentera une part significative du parc automobile dans le monde. Jérôme Sabatier, chef économie éveil à l'Institut français du pétrole énergie nouvelle. Les scénarios de développement sont effectivement un peu compliqués à établir hein, parce qu'on est sur un marché qui démarre. Ça va entre 100 millions et 400 millions de véhicules à 2040. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de défis techniques et économiques à résoudre, hein, ne serait-ce que le coût d'achat, le coût d'usage du véhicule, les subventions, le maintien des subventions, l'évolution des politiques publiques pour favoriser le développement du secteur électrique. Et donc, ben voilà, quand on tient compte de tout ça et qu'on rentre ça dans des modèles économiques, on arrive avec des dispersions qui sont assez importantes. Les plus optimistes aujourd'hui prévoient qu'en 2040, on pourrait atteindre 35% du parc automobile. Le marché de la voiture électrique est très lié aux mesures incitatives mises en place par les pouvoirs publics. Cela peut se traduire par des avantages très pratiques, comme des péages gratuits ou des stationnements préférentiels. En France, l'accent est plutôt mis sur des aides financières. Jérôme Sabatier de l'IFP Énergie Nouvelle. Grosso modo, on compte la prime à la casse, les subventions, la fiscalité sur les carburants et la fiscalité carbone. Mais aujourd'hui, on se recentre de plus en plus vers des aides qui sont plutôt liées à l'achat. C'est-à-dire que on va avoir des aides qui sont sur, par exemple, le bonus écologique. À ce bonus écologique va se rajouter ce que le gouvernement français a appelé le super bonus, qui peut aller donc jusqu'à 10 000 euros si vous remplacez une vieille voiture diesel par une voiture électrique. Vous avez une aide du gouvernement pour équiper votre logement avec une borne de recharge. En Outre-mer, des mesures spécifiques ont aussi été prises dans certaines collectivités pour inciter à l'achat de voitures électriques. En Polynésie, les particuliers bénéficient d'un bonus de 4000 euros environ. En Guyane et à La Réunion, la taxe sur l'octroi de mer a été réduite à 0%. Retrouvez la chronique éco en podcast sur lapremière.fr. Et la chronique éco, c'est tous les matins de la semaine vers 6h25 et le midi à 1h05. Grand matin week-end avec Lucas pour un réveil dynamique et dans la bonne humeur. Bonjour Lucas, bonjour Réunion Première. Bien commencer la journée. Bonjour Lucas, bonjour à tous. L'actualité locale et nationale, les pronostics hippiques, vos chroniques sur la vie réunionnaise. Grand matin week-end avec Lucas, samedi et dimanche de 6h à 9h sur Réunion Première. Première. Merci de votre fidélité à Réunion Première, l'actualité en France et à l'étranger. C'est dans quelques instants avec la rédaction de France Info. Et puis juste après le journal, un point complet sur votre météo. Il va faire beau cet après-midi, mais ça va se couvrir un peu sur les plages. Il est 13h, voici le journal de France Info. Avec Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie. Bonjour. Un premier débat sans coup bas. Les 7 candidats à la primaire de la droite se sont bien lancés quelques pics, mais la consigne éviter le pugilat a été respectée. Le porte-avions Charles de Gaulle poursuit la lutte contre le groupe Daesh. France Info est à bord au large des côtes syriennes. On vous y emmène dans ce journal. À suivre aussi le cri du cœur de Michelle Obama. La première dame démocrate charge Donald Trump et son comportement avec les femmes. Et puis nous serons à Marseille où Sébastien Hazard a cherché des fans de foot au Vélodrome, ce qui est de plus en plus dur à trouver. France Info. Pas vraiment de gagnant après le débat de la droite. Ni de perdant d'ailleurs. Les 2 heures de débat ont été plutôt calmes, sans surprise. Et finalement, il n'y a pas vraiment eu de match, Yael Gauze. Surtout, pas de pugilat. La consigne de Thierry Soler, le géo de la primaire, a été respectée au-delà de ses espérances. À part quelques flèches décochées au début, principalement contre Nicolas Sarkozy, à part quelques accros sur les affaires et l'identité, le débat n'a jamais dérapé. Comme si personne ne voulait injurier l'avenir, parce qu'à la fin, il faudra bien se faire une place aux côtés du vainqueur. Résultat, une impression de grand consensus sur l'économie, des programmes libéraux, sauf chez Jean-Frédéric Poisson. Bruno Le Maire, le candidat sans cravate, devait crever l'écran. Mais dans ce registre-là, c'est surtout Jean-François Copé qui s'impose quand il bouscule François Fillon sur la burqa ou Bruno Le Maire sur le cannabis. De NKM, on retiendra qu'elle est modérément de droite. François Fillon à l'aise dans son programme. Nicolas Sarkozy, parfois tendu derrière son pupitre. Un ancien président traité comme les autres, une vraie révolution culturelle à droite. Et puis, un vainqueur, par défaut, parce qu'il n'y a pas eu match. Alain Juppé, qui a eu la chance de conclure le débat. Yaël Gauss sur France Info, un débat qui a rassemblé 5 600 000 téléspectateurs. C'est un tout petit peu plus que pour le premier débat de la primaire socialiste. Il va tenter d'éteindre l'incendie. Jean-Jacques